Annonce 5. Bienvenue aux voyageurs nous ayant rejoints dans le train en gare de Dijonville. Nous vous rappelons que notre TGV est sans arrêt jusqu'à Paris-Gare de Lyon.